بسم الله الرحمن الرحيم. Biographie du Cheikh Saleh al-Sheikh. Cheikh Saleh al-Sheikh est né en l'an 1378 de l'Égir, c'est-à-dire en 1956 environ, à Riyad, en Arabie Saoudite. Saleh est le fils de Abdulaziz et le petit-fils de Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite. Il a grandi au sein d'une famille de gens religieux versés dans les sciences et de dignitaires. Influencé par son père, il dit de lui: j'ai hérité de sa précision et de sa justesse dans les propos. Il a poursuivi ses études à l'université islamique El-Imam Mohammed ibn Saoud et une fois diplômé, il a intégré le corps enseignant. En 1416 de l'Égir, c'est-à-dire en 1996, il fut nommé vice-ministre des Affaires religieuses. Puis, en 1420 de l'Égir, c'est-à-dire en l'an 2000, il fut promu ministre. Le cheikh, qu'Allah le protège, n'a cessé de fréquenter depuis son enfance le milieu des sciences religieuses et des savants, au point de dépasser dans ce domaine beaucoup de ses contemporains. Il a appris le Coran, les chaînes de rapporteurs des hadiths et leurs explications. Il maîtrise les sciences instrumentales telles que les fondements du fiqh, usulul fiqh, le hadith et la langue arabe. Il possède une large connaissance dans diverses disciplines. Il s'est adonné à la lecture avec ferveur, et ainsi étudier les ouvrages les plus rares et les manuscrits les plus précieux. Ceci lui vaut une culture étendue et une grande ouverture d'esprit. Il a également obtenu de la part de plusieurs savants du monde musulman des autorisations d'enseigner des œuvres classiques. Le cheikh a publié des ouvrages et édité des manuscrits qui se distinguent par leur précision méthodologique et leur compréhension. Cheikh Saleh participe à l'enseignement, la prêche et l'orientation des musulmans en dispensant des cours de sciences islamiques dans les mosquées et en donnant des conférences. Il a aussi participé à un grand nombre de congrès islamiques internationaux. Dans toutes ses entreprises, le cheikh se distingue par ses positions modérées et sa pondération, ainsi que sa justesse et sa précision dans les recherches scientifiques. Qu'Allah le protège et lui augmente sa science et ses bonnes œuvres, et qu'il le rende utile pour l'islam et les musulmans. Amin.